enfants, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Le soleil mouillé de ce ciel brouillé, ont pour mon esprit les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leur larme, la tunique ordre et beauté, luxe, calme et volupté. De l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret. Sa douce langue natale, la toune, corps et beauté, luxe, calme et volupté. Luxe, calme et volupté, luxe, calme.